La femme que j'ai choisi d'aimer, c'est moi. Que le temps me révèle, qui a sauvé gouffre et rocher. Comment répares-tu les défauts d'une vie transparente aux yeux divins? Tu es à la fois ange et démon furtif. Et bien que tu doutes de mes promesses, tu chéris l'amour que je te voue. Mais mes prières sont des épées, des miroirs qui dévoilent tes dilemmes, des lames qui tranchent les dragons et dompte ton doute et ta fougue. Et si par ton dédain je t'oublie, du moins je rendrai hommage à ton orgueil avec ces mots sinueux, ceux de l'amour que tu m'as refusé. Choisi d'aimer, celle que le temps me révèle, qui a sauvé gouffre et rocher. Comment répares-tu les défauts d'une vie transparente aux yeux divins? Tu es à la fois ange et démon furtif. Et bien que tu doutes de mes promesses, tu chéris l'amour que je te voue. Mais mes prières sont des épées, des miroirs qui dévoilent tes dilemmes, des lames qui tranchent les dragons et domptent ton doute et ta fougue. Et si par ton dédain je t'oublie, du moins je rendrai hommage à ton orgueil avec ces mots sinueux, ceux de l'amour que tu m'as refusé.